J'ai besoin, avant de pouvoir vous détailler le contenu de la loi, d'un préambule qui permettra de conclure qu'il n'y a pas de lecture univoque de cette loi pour une raison précise et spécifique, en plus du cadre habituel. Donc, l'origine de cette idée qu'il faille repasser d'une centaine d'universités en France à une quinzaine, les regroupements, vient d'un groupe de centre-gauche mélangé avec le centre-droit, qui s'appelle le groupe Marc Bloch, qui a été fondé par M. Salzmann, et au sein duquel Jean-Yves Mérindol, qui a été conseiller du chef de l'État et qui est maintenant à la tête de Sorbonne Paris Cité, a écrit pour le programme du PS la partie qui concerne les regroupements. Ces propositions sont en ligne les unes et les autres, ce qui permet de constater que dans ce qui est supposé être une phase de concertation, qui ont été les assises, il n'y a eu strictement aucun apport par rapport à ce groupe initial qui possède maintenant, comme vous pouvez le constater à la lecture des noms, l'essentiel des manettes du supérieur. Il n'y a eu non plus aucun apport à l'Assemblée nationale du fait que le PS a la majorité absolue et tout a été verrouillé, mais il y a eu une série d'amendements au Sénat qui ont apporté ce que je considère comme une ouverture significative dans le texte de loi, qui est la possibilité d'avoir des regroupements confédéraux par association, issus du fait qu'au Sénat, le PS n'a pas la majorité et a dû construire la rapporteure a construit une majorité avec les autres groupes, une majorité très large, et d'autre part, d'une conjonction de deux groupes de lobbying, les présidents d'écoles d'ingénieurs, et d'autre part, un groupe dont je fais partie et dont il y a quelques représentants ici. Suite à quoi il y a eu une bataille pour supprimer ces amendements, cet unique apport de la représentation nationale en commission mixte paritaire qui réunissait le Sénat et l'Assemblée. Et les sénatrices, puisqu'il s'agissait de femmes, ont tenu bon pour conserver cette clause qui est l'unique apport. Le problème de la loi, c'est qu'elle reflète les deux couches, les deux états. Une partie de la loi représente l'apport du groupe Marc Bloch et l'autre, les amendements. La mise en cohérence du texte était prévue le 21 juin, qui correspond à une date importante qui est la fête de la musique, qui a empêché les parlementaires socialistes d'être là. Et le parlementaire en particulier qui devait tourner les clés pour le PS a été appelé dans le Var pour une crue de la vallée de l'Argens. Il était auprès de ses concitoyens plutôt qu'à tourner la clé, de sorte que le paragraphe concernant les regroupements a sauté l'espace d'une dizaine d'heures, puis une nouvelle session a été convoquée dans l'urgence vers minuit, dans lequel il n'était pas possible d'avoir des amendements. Par conséquent, ce texte à des bouts qui sont l'héritage du Sénat et des bouts du texte initial. Selon que vous défendez l'apport du Sénat ou l'apport du groupe Marc Bloch, eh bien vous obtenez des lectures assez différentes. Et se superpose à ça le fait que les personnes qui défendent le regroupement sous forme de communautés d'universités et d'établissements ont mis au point toute une série d'argumentaires plus ou moins réels, plus ou moins flous juridiquement, qui brouillent le message. Par conséquent, il y a une injonction forte qui est de lire le texte de loi et d'une certaine manière que lui. Ces 4 pages, ce n'est pas très lourd à lire et une chose très importante en matière de loi que j'ai découverte puisque je suis physicien et pas juriste, c'est que la loi est écrite en langage ordinaire. Aucun mot n'a un sens qui dépasse celui de la langue ordinaire. Par conséquent, tout le monde est à même de l'interpréter avec le même. Disons, le ministère n'a pas un droit supérieur dans l'interprétation aux gens ordinaires. Et il n'y a pas de mots codés. Donc, je vais essayer de faire l'exercice périlleux qui consiste à donner une lecture, mais à vous prévenir à chaque fois que cette lecture n'est pas universel et vous allez voir qu'on s'arrête très vite dans l'universalité de lecture, malheureusement. Alors, il faut commencer par les objectifs affichés de ces regroupements. vous les avez en haut, et qui définissent un concept qui est un territoire. Le territoire, je pense, c'est pensé dans la langue ordinaire, mais défini de manière très précise comme étant supérieur à l'académie. Une académie ou plusieurs académies, jamais moins qu'une académie. Et il n'y a pas d'exception à cette règle pour l'Île-de-France, de sorte que la politique de site est d'ores et déjà orthogonale avec la première phrase qui est spécifiée ici, puisque il y a une injonction à laquelle un certain nombre d'entre nous peuvent souscrire, d'harmoniser l'offre de formation et d'harmoniser la stratégie de recherche à l'échelle du territoire. Donc, s'ajoute à cela, dans un autre paragraphe, de former des projets en conjonction avec la région pour améliorer la vie étudiante. Et ces trois aspects, coopération scientifique, harmonisation de la carte des formations, ça signifie ne pas avoir des M2 avec le même intitulé à 500 mètres de distance qui ne se parlent pas, je pense, harmonisation de l'offre de formation, c'est assez raisonnable. Eh bien, ces trois éléments sont l'objectif affiché. Le moyen d'aller vers cet objectif, c'est de passer un contrat entre des regroupements qui vont porter cette coordination à l'échelle territoriale, qui s'appelle maintenant en langage courant contrat de site, mais qui s'appelle techniquement contrat pluriannuel et rien d'autre. Ces contrats comportant plusieurs volets, exactement un nombre de volets spécifiques par établissement, donc autant que d'établissements, plus un, qui est le volet commun du contrat pluriannuel. Les volets spécifiques, comme l'indique leur nom, sont à la charge de chaque établissement qui doivent décider de leur contenu et qui parlent des spécificités des établissements. Le volet commun du contrat de site, c'est ça le levier par lequel l'État interagit avec les regroupements et conduit sa politique de stratégie vis-à-vis territoriale. Ce volet commun, contient les éléments d'harmonisation et les éléments de coopération scientifique et les éléments d'amélioration de la vie étudiante. Donc, il est très important de suivre qui est décisionnaire pour le volet commun du contrat de site, puisque c'est ça qui porte les éléments de mise en commun, de mutualisation de services éventuels, de mutualisation d'enseignement, de parcours de formation. Pour mettre en œuvre ceci, l'État se réserve le droit d'attribuer des moyens directement au regroupement et non plus ventilés sur les différents établissements. Donc ça, c'est une clause importante qui échappe non seulement aux établissements, c'est-à-dire les CA ne peuvent pas s'opposer à voir une partie de leur dotation arriver au regroupement, mais qui échappe aussi à la décision du regroupement lui-même. C'est une décision de l'État via la DGSIP, la Direction Générale des Services, qui peut décider d'attribuer des moyens, des postes directement pour opérer cette coopération. La loi prévoit trois modalités pour cette coordination territoriale avec ces trois volets, recherche, formation, vie étudiante. Ces trois volets sont soit la fusion pure et simple des établissements pour ne former qu'une université de droit commun. J'irai assez vite puisqu'on est habitué à ce système, on connaît ses avantages, c'est-à-dire qu'on connaît le fonctionnement des conseils et leur niveau de démocratie, discutable, critiquable, mais on sait ce qu'ils sont. Soit ce qui s'appelle un regroupement. La fusion n'est pas un regroupement. Les regroupements sont possibles sous deux modalités. La première qui est la communauté d'universités et d'établissements. Et la seconde qui est l'association entre établissements où, là, les choses diffèrent selon qu'on lit la loi d'une manière ou d'une autre. L'association a un unique établissement qui est l'héritage de l'ancienne loi pour lequel il y avait un rattachement d'un certain nombre d'établissements à un unique établissement, le Sénat ayant apporté le fait que des établissements puissent se réunir de manière confédérale. Le bout de loi qui est affiché ici à l'écran est celui qui est hérité de l'ancienne loi. Vous verrez après le bout qui spécifie que c'est possible de se réunir sans chef de file, sous une forme confédérale. il est spécifié qu'un unique établissement doit organiser la coopération territoriale. Cet organiser la coopération territoriale, on peut le prendre de manière plus ou moins lourde, plus ou moins sévère. On le comprend dans le contexte de la loi comme étant l'établissement qui va organiser les réunions qui vont conduire à prendre les décisions constituant le volet commun du contrat pluriannuel dont il est intéressant de suivre qui va le voter. Donc, coordonner, ça ne veut pas forcément dire décider, ça veut dire coordonner. Mais il y a une exception. L'exception, c'est l'Île-de-France. En Île-de-France spécifiquement, la coordination peut être portée par plusieurs établissements. Donc ce point est très important puisque on est dans l'exception et cette exception n'est pas que le territoire en Île-de-France est défini de manière plus petite, il est qu'il faut se mettre à plusieurs pour porter la coopération territoriale. Si on veut bien voir momentanément la loi du 22 juillet comme une loi positive, progressiste, eh bien ça fait du sens, puisque s'il s'agit d'offrir une carte des formations harmonisées et une coopération, eh bien l'échelle pertinente c'est l'Île-de-France, aucun découpage de l'Île-de-France n'est pertinent pour l'ensemble des disciplines ou les gens qui ne travaillent pas dans des disciplines pour des blocs de disciplines, disons, eh bien, l'injonction de la loi est précisément de l'organiser en faisant porter la coordination à plusieurs établissements à l'échelle de l'Île-de-France. Dans les deux modalités de regroupement sur lesquelles je vais m'arrêter, eh bien, il apparaît des mots qui sont des mots semi-techniques qui appartiennent au vocabulaire de la théorie des organisations, qui sont le mot de compétence, et une compétence se définit comme une capacité de décider et de mettre en œuvre une mission déléguée par l'État. Et donc, on voit bien qu'il y a ces deux aspects qui sont très importants, la prise de décision et sa mise en œuvre. C'est-à-dire, si je prends les relations internationales, eh bien, on peut parfaitement avoir une décision qui est prise collectivement, mais que la mise en œuvre de cette décision d'harmoniser la politique des relations internationales soit mise en œuvre dans chacun des services des N établissements. Cette distinction est importante, c'est une source de confusion majeure qui fait que selon les propositions de statut qui émanent ici ou là et qui existent sur la place publique, eh bien, les adjectifs qui sont accolés à compétences ou qui peuvent être donc des compétences propres. Une compétence propre, ça veut dire que personne d'autre ne l'a. Et dans un certain contexte, ça signifie que les prises de décision et l'exécution de cette prise de décision sont prises au même endroit. Une compétence partagée, dans le sens de la théorie des organisations, ça signifie que deux établissements qui possèdent la même compétence, par exemple les relations internationales, ou une politique de prime, eh bien, partagent ceci, mettent en commun et harmonisent entre elles la chose. Donc le partage suppose qu'on soit des égaux. Si on a une instance nouvelle à qui on donne à gérer, à piloter ou et à mettre en œuvre une compétence, eh bien, on va dire que cette compétence est transférée. Dans une certaine gamme de textes, eh bien, on trouve le mot partage pour signifier que la décision est prise par une instance supérieure, mais l'exécution reste aux établissements. Donc il faut faire attention avec ce vocabulaire. Moi, je m'arrête à transférer quand l'instance qui reçoit ne l'a pas, partager quand les deux instances l'ont initialement. Ça amène à une définition très précise de ce que sont une fédération et une confédération d'établissements. Ces deux mots sont apparus dans la loi par un amendement vert porté par M. Gattolin, à qui ça parlait. Il s'est réveillé en milieu de séance pour faire ajouter ces adjectifs et s'est passé tout debout pour une raison obscure. Et ces mots deviennent très importants à nouveau source de confusion, puisque ces mots étaient synonymes jusqu'à la fin du XIXe siècle, mais ils ne sont plus synonymes du tout. Et les débats parlementaires sont très clairs sur le sens de ces mots. Une fédération signifie que des établissements membres vont créer une nouvelle couche qui est au-dessus et à qui les établissements transfèrent des compétences. Donc le transfert de compétences est consubstantiel de la fédération et l'existence d'une couche à qui ces compétences sont transférées aussi. Il y a un nouvel établissement fédéral qui chapeaute les établissements fédérés. Il y a deux manières d'organiser le transfert de compétences. L'une qui n'a qu'une réalisation historique, qui sont les États-Unis, exemple de fédéralisme notoire, qui s'appelle le fédéralisme dualiste, dans lequel les choses sont bien faites si une compétence existe parmi les membres, elle ne se retrouve pas à l'étage fédéral, et réciproquement, le découpage est fait de sorte qu'on sait toujours qui est décisionnaire et qui exécute toutes les missions déléguées à la fédération et aux membres fédérés. Dans le cas de cette loi, on n'est pas dans cette situation. Les choses sont plus floues et on parle de fédéralisme de subsidiarité, ce qui signifie que chaque mission de l'État peut être réglée à différents niveaux, au niveau des UFR, au niveau des conseils d'administration, au niveau de l'étage fédéral, selon que elle concerne uniquement une UFR ou une seule université ou l'ensemble des membres. C'est donc le contexte qui fixe, qui décide, mais l'étage fédéral l'emporte toujours sur les étages inférieurs en cas de décision. C'est évidemment très important. Dans la Confédération, par opposition, il n'y a pas de création d'instance fédérale. Les membres qui sont confédérés discutent entre eux, harmonisent leurs pratiques en toutes sortes de choses, mais sans qu'il y ait création de cette structure qui chapeaute. Donc ça, ce sont des définitions. Et une chose qui existe dans toutes les confédérations historiques, c'est la possibilité d'évolution et la réversibilité, qui sont des propriétés consubstantielles du fait de pouvoir adhérer à la confédération, accréter des nouveaux établissements dans la confédération ou en enlever le cas échéant. Une fédération est plus figée, en tout cas ne comporte pas dans sa définition cette possibilité. Alors, de manière très claire, la communauté d'universités et d'établissements est une fédération puisqu'elle crée un nouvel établissement qui a pour mission, pour compétence qui lui est donnée ab initio, de traiter de la stratégie de formation et de recherche et de porter pour son compte la part de la coordination territoriale qui lui revient. L'objectif de ces communautés d'universités et d'établissements, ce n'est pas inscrit dans la loi, mais ça a été répété et répété par tout le monde, le ministère, les rapporteurs, c'est de conduire à terme à des fusions. C'est un État qui a volontairement été créé de manière assez instable et avec une évolution irréversible, toujours dans le même sens, et qui vient d'une disposition qui est ahurissante. La communauté d'universités et d'établissements possède la capacité d'accroître elle-même ses compétences au détriment des établissements. Vous devinez que ce point, les gens qui défendent les communautés d'universités et d'établissements louvoient pour nier cette chose qui est marquée noir sur blanc. Et cette chose-là, le fait que l'étage fédéral puisse s'attribuer progressivement des fusions de services pour aller progressivement vers la fusion d'établissements, puisque c'est son but affiché, se fait sans que les établissements fédérés puissent s'opposer à ce transfert de compétences. Les CA ne participent plus à la rénovation des statuts, s'il y en a. Seule la communauté d'universités et d'établissements revote les nouveaux statuts pour progressivement, si on a réussi à trouver une harmonisation dans un domaine ou en autre, le domaine juridique par exemple, ça fait du sens à un certain moment de transférer à l'étage fédéral eh bien, un unique service qui s'occupe de tous les problèmes de droit se posant dans les établissements. C'est assez logique. Quelles sont donc les compétences transférées à la communauté? Eh bien, d'une part, celles qui sont spécifiées par la loi, et de par la loi, eh bien, ces compétences transférées sont les stratégies et les décisions, mais pas l'exécution de ces décisions, qui concernent la formation et la recherche et la vie étudiante, puisque c'était le préambule. S'ajoute à cette liste eh bien, une liste qui doit être spécifiée dans les statuts et qui va décrire ligne à ligne le transfert de compétences, que ce soit un transfert de décision ou que ce soit un transfert de mise en pratique, c'est-à-dire un transfert des services eux-mêmes. Dans l'état actuel des choses, à gauche ou à droite, quand on regarde, la plupart des statuts qui ont été écrits se contentent, si je puis dire, d'avaliser le transfert de la couche décisionnaire, mais en général ne transfèrent pas immédiatement les services, ceci étant repoussé à des étapes ultérieures de la construction. Point important, c'est absolument à nouveau limpide mais nié par les tenants des communautés d'universités et d'établissements, le volet commun du contrat pluriannuel, qui donc complète les volets spécifiques qui sont à la charge des CA des établissements, eh bien, ce volet commun est voté uniquement par deux instances de la communauté d'universités et d'établissements. Le CA, qui doit avoir la majorité des deux tiers, ce qui signifie qu'un tiers du CA peut être opposé aux mises en commun qui sont proposées, ça passe quand même, et avec un avis du Conseil des membres, qui est l'instance qui réunit les directions des différents établissements. Les CA des établissements fédérés doivent donner un avis et évidemment voter la partie qu'ils ont en propre, mais pas le volet commun. Par conséquent, si on veut faire une lecture paranoïaque de la loi, ce qu'il faut envisager, on peut aussi en faire une lecture de l'autre côté qui est « ça sera des presses et c'est tout ». Si maintenant je pousse la lecture paranoïaque, on a une instance qui est chargée progressivement de mutualiser tout ce qui peut être mutualisé, d'abord en mutualisant la prise de décision, puis en mutualisant l'exécution de cette prise de décision, en créant des services mutualisés jusqu'à, de manière ultime, atteindre le but qui est d'avoir ces 15 grands établissements omnidisciplinaires, qui est le but affiché. Parfait. Alors, donc c'est les points que j'ai rappelés ici. Je les ai déjà évoqués, je pense, à l'oral. La loi inscrit la possibilité que les établissements transfèrent la gestion des personnels à la communauté d'universités et d'établissements. À nouveau, c'est parfaitement logique dans cette idée que dans l'étape dans laquelle la mutualisation des décisions a eu lieu, que tout a été harmonisé pour un champ de compétences, eh bien, c'est logique de faire un seul service qui le fasse pour l'ensemble des établissements, auquel cas il faut du personnel pour le faire. Et donc cette étape de mutualisation des services n'arrive que dans un deuxième temps, contrairement à la fusion dans laquelle immédiatement il faut faire toutes les fusions de services. Le transfert budgétaire n'est pas la décision des différents CA, ni du CA fédéral, mais est laissée à la décision de l'État, qui peut décider de donner un budget non ventilé pour la partie qui concerne tout ce qui a été mis en commun. Il n'est normalement pas question que soit transféré l'ensemble des budgets des établissements dans un premier temps. Mais cette possibilité est laissée. La commu peut donc à la fois prendre des décisions, et oui, un point important, la commu peut décider, à nouveau sans que les CA puissent s'y opposer, de devenir les centres dans lesquels sont prélevés les droits d'inscription. Et je ne sais pas vous, moi, le simple mot de droit d'inscription dans une structure dans laquelle la décision va être transférée à une couche supérieure. Je n'ai pas donné les règles d'élection du CA, ça demanderait 10 minutes en soi. Un résumé, je pourrais y venir, mais un résumé, c'est que c'est peu démocratique parce que de manière consubstantielle, eh bien, il n'y a pas de scrutin direct possible, le taux de représentation est extrêmement faible. Donc c'est fait quand même pour avoir essentiellement des représentants des directions des établissements. L'autre possibilité qui a été minimisée jusqu'ici, eh bien, c'est la confédération par association qui fonctionne, et c'est explicite dans la loi, par partage de compétences, puisqu'il n'y a personne à qui transférer les compétences. Il y a des établissements égaux qui doivent progressivement aller vers le même but, c'est-à-dire l'harmonisation de l'offre de formation, la coopération scientifique à l'échelle de l'Académie ou de l'Île-de-France, de Paris ou de l'Île-de-France pour nous. Il y a la possibilité qui est laissée d'avoir une dénomination propre pour le regroupement confédéral, ce qui montre bien son existence. Tout cela sur les innovations qui viennent des amendements au Sénat. Et si on veut mettre un petit peu de sens politique à cette possibilité confédérale, eh bien, au lieu d'avoir dans l'idée une structure pyramidale dans laquelle on ajoute une nouvelle couche décisionnaire par au-dessus, dans la tradition du millefeuille bureaucratique, eh bien, on pourrait rêver d'un fonctionnement qui soit une mise en réseau des établissements ou des différentes fonctions qui coordonnent leur activité. J'ai plusieurs exemples fétiches qui me semblent très parlants. L'un qui a sans doute dû arriver à un certain nombre d'entre vous, le samedi, le réseau lâche dans un établissement. Vous savez que c'est très dur aux ingénieurs réseau d'aller remettre le réseau en route un samedi. Si on a 8 ingénieurs réseau qui se connaissent et que ça lâche un samedi, on peut imaginer qu'ils soient autorisés à se prêter main forte ponctuellement. On voit là que c'est un fonctionnement dans lequel, au lieu d'avoir un accroissement de la distance entre la paillasse et l'amphi, le cœur de décision, on peut imaginer un fonctionnement dans lequel les briques de base du système, les laboratoires au sens large, les UFR pour les universités, puissent reprendre à la fois plus de postes alors qu'on les en a privés ces dernières années pour nourrir le central, plus de pouvoir de décision, décider par elles-mêmes pour ma discipline, par exemple la physique, que ce soit les UFR de physique qui décident quel M2 on peut mutualiser ou qui ont déjà été mutualisés par le passé, plutôt qu'une décision prise à 3 étages au-dessus des enseignants-chercheurs. Je vais conclure. Les spécificités de la Confédération, c'est le dernier transparent. Donc, par définition, il n'y a pas de nouvelle couche dans le millefeuille bureaucratique, puisque les établissements s'arrangent et conçoivent leurs règles de fonctionnement. Il n'y a pas de possibilité pour l'État de transférer le budget sans sa ventilation, c'est-à-dire sans dire à qui va l'argent, dans la mesure où il est spécifié que l'autonomie financière est préservée. À nouveau, il est argumenté par les tenants des communautés d'universités et d'établissements que c'est le cas aussi statutairement, que l'autonomie statutaire est préservée pour les établissements. C'est vrai à la nuance près que, comme les communautés peuvent accroître leur champ de compétences sans en référer aux établissements, eh bien, il y a une perte de souveraineté qui est claire et nette. Et le point absolument crucial qui est le point qui protège les petits établissements des gros dans la dynamique propre de l'association, c'est que l'adoption du volet commun du contrat pluriannuel, qui est donc les moyens qui sont associés à l'objectif d'harmonisation de l'offre de formation et de la coopération scientifique, c'est pas moi qui ai choisi les mots, eh bien, ce volet commun, ses modalités d'adoption sont laissées au bon soin des établissements. Il va de soi que des établissements qui choisiraient ça, eh bien, mettrait que chaque CA doit adopter le volet commun dans les mêmes termes, de sorte que les petits comme les grands ont un droit de veto sur ce qui est mutualisé. Et ça n'est clairement pas le cas des communautés d'universités et d'établissements, puisque c'est à la majorité des 2/3 d'un CA dont les règles électorales font même que les petits établissements peuvent ne pas être représentés, du moins. les personnels des petits établissements peuvent ne pas être représentés. C'est ma conclusion. Merci beaucoup.